Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le génie d'Einstein. Ce que je trouve chez lui, c'est une combinaison de deux qualités qui sont rarement ensemble, qui sont, disons, la profondeur et la simplicité. Savoir choisir la bonne question. Le physicien et prix Nobel de physique en 1991, Pierre-Gilles de Gennes, à l'émission Les Années-Lumière en avril 2005, scientifique le plus connu et le plus admiré de son siècle, Albert Einstein est à l'origine des deux grandes théories qui sont à la base de toute la physique moderne, la théorie de la relativité et celle de la mécanique quantique. Considéré de son vivant comme l'homme le plus intelligent de son temps, Einstein a fini par devenir la parfaite incarnation du génie scientifique dans l'imaginaire collectif occidental. Albert Einstein, dont on dira qu'il fut le plus grand savant de notre époque, vient de mourir à 76 ans aux États-Unis, où il s'était installé voici 25 ans. C'était un homme déjà universellement célèbre, qui était arrivé en 1930, abandonnant Berlin, d'où la menace du nazisme naissant l'éloignait, avant de le bannir définitivement. À 26 ans, n'avait-il pas révolutionné le monde avec sa théorie de la relativité? Ne devait-il pas être à l'origine de la science atomique? Et cette voix qui prononçait voici 25 ans son adieu à l'Allemagne demeure, maintenant qu'elle s'est tue, infiniment émouvante. Si les honneurs, les décorations et les titres de docteur qui lui furent décernés le laissèrent indifférent, son nom restera au fronton du Collège de médecine de Princeton comme l'hommage d'une humanité à qui il a découvert un monde. Einstein est mort, il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits. Extrait des actualités françaises présenté au moment de la mort d'Albert Einstein en avril 1955 pour retracer le brillant parcours d'Einstein, pour nous rappeler aussi sa très grande importance dans l'histoire des sciences. Je reçois l'astronome Pierre Chastenay, qui est professeur au département didactique de l'Université du Québec à Montréal, longtemps animateur de différentes émissions scientifiques à la télé. Pierre Chastenay, bonjour. Bonjour Jacques. Qu'est-ce qui fait le génie d'Albert Einstein? Bien, on l'a mentionné dans les extraits que vous avez présentés. C'est le père de la relativité générale et le père de la mécanique quantique, qui sont les deux grandes théories physiques du 20e siècle qui continuent à porter la science au 21e siècle. Avec la relativité générale, Einstein détrône Isaac Newton, qui était considéré jusque-là comme le plus grand savant ayant vécu. Alors, c'est pas rien. Faut dire aussi que la mécanique quantique et la relativité générale, ce sont deux théories qui s'expriment dans une forme mathématique très complexe. Oui. On parle de calcul tensoriel dans le cas de la relativité. Alors, c'est un langage mathématique qui fait que c'est pas à la portée de tout le monde. Ça augmente un petit peu l'aura de génie qui entoure Einstein. Puis finalement, je dirais qu'il y a le look, Albert oui. Einstein. Donc les cheveux ébouriffés, les vêtements mal taillés, la moustache. Qu'il a cultivé ou si c'était non, c'est comme ça qu'il était. Exactement, exactement. C'était pas recherché, c'était comme ça ouais. qu'il était. Et puis ça donnait l'impression que cet homme-là était complètement à 100% tourné vers le travail intellectuel, d'essayer de comprendre le fonctionnement ouais. de l'univers. Alors c'était comme si cet homme-là était un pur esprit et c'est comme ça qu'il est devenu l'archétype du scientifique mm-hmm. moderne. Alors remontons aux origines du génie. Il naît le 14 mars 1879, Einstein. Parlez-nous un petit peu de son milieu d'origine, du genre d'enfance, de jeunesse qu'il va avoir. Tout à fait. Donc, une famille juive ashkénaze, mais non pratiquante. Son père, Hermann, est ingénieur électrique. Il vend du matériel électrique. Tandis que sa mère est une grande amatrice d'art, sa mère Pauline. Elle joue fort bien du piano sans en faire une carrière. Puis c'est elle qui va inciter le jeune Albert à s'intéresser à la musique. Il va apprendre d'abord le piano, mais éventuellement le violon, qui va devenir son instrument de prédilection. Il raconte dans son autobiographie que son intérêt pour les sciences remonte à l'âge de 5 ans, alors qu'il reçoit une boussole. Et là, il est absolument fasciné par le fait que, peu importe où, dans quelle direction on tourne la boussole, l'aiguille pointe toujours vers le nord. Ouais. Pour lui, c'est une forme de magie qui le fascine complètement. Évidemment, vous vous doutez qu'à l'école, il est bon en mathématiques et en sciences. Ouais, ouais. En fait, il est en partie autodidacte. Déjà à l'âge de 16 ans, il maîtrisait la géométrie, le calcul différentiel intégral qu'il avait appris par lui-même en consultant des ouvrages. Par contre, il raconte que ses années d'école sont très malheureuses. L'école allemande de cette époque-là, c'est une école très rigide où les élèves doivent apprendre par cœur. La créativité, le goût d'apprendre, tout ça est mis de côté. Ça correspondait vraiment pas à ses besoins. Donc, parcours scolaire difficile, sans grand éclat. À 16 ans, il tente d'entrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich, mais il rate l'examen d'entrée. Et donc, il doit, pendant un an, suivre des cours d'appoint pour se préparer à l'examen suivant. Et il va finalement réussir à rentrer, obtenir son diplôme de justesse 4 ans plus tard, en 1900. Alors, ça peut peut-être rassurer tous ceux et celles qui ont de la difficulté à l'école. Même Albert Einstein a eu un certain nombre de difficultés. Et c'est aussi à cette époque, donc autour de 1900, qu'il rencontre sa première épouse, Mileva Maric, qui est aussi mathématicienne et physicienne comme lui, avec qui il va avoir 3 enfants. On sait que c'est pas un mariage très heureux. Ça va se terminer par une séparation en 1914 et puis un divorce officiel en 1919. Ouais. Sa carrière scientifique, ça commence quand et dans quel contexte ça débute, cette carrière-là? Mais entre 1900 et 1902, Einstein cherche du travail. Donc, il est gradué, mais il n'y a pas encore de travail, jusqu'à ce que finalement, en 1902, il atterrisse au bureau des brevets de Berne, où il est examinateur, essentiellement. Et c'est aussi à cette époque qu'il commence à publier ses premiers articles scientifiques dans une revue qui s'appelle Annalen der Physik, qui était la plus grande revue scientifique de son époque. Mais évidemment, à cette époque-là, Einstein n'est pas connu. Oui. Ce n'est pas la grande vedette et le grand savant que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ses travaux passent un petit peu inaperçus, je vous dirais, jusqu'en 1905. 1905, où là, vraiment, il a un éclair de... On parlait de génie, le génie d'Einstein. Cette année-là, c'est pour ainsi dire une année miraculeuse pour lui. C'est comme ça qu'on l'a appelé, l'année 1905, l'annus mirabilis. Albert Einstein explose littéralement. Il va publier coup sur coup durant cette année-là 4 articles scientifiques qui sont tous des articles fondateurs de nouvelles sciences. Donc, il est le fondateur par ces articles-là de la mécanique quantique et de la relativité qui va devenir éventuellement la relativité générale. Alors, rapidement, le premier porte sur l'effet photoélectrique. Ça démontre l'existence des photons. Ça jette les bases de la mécanique quantique. Le second, le mouvement brownien, démontre l'existence des atomes parce qu'à cette époque-là, on doutait encore que les atomes existaient bel et bien. Troisième article sur la relativité restreinte. Alors, vous savez, les horloges qui ralentissent, les règles qui rétrécissent et tout ça, lorsqu'on se déplace à grande vitesse, c'est cet article-là. Et puis le dernier, le quatrième, c'est la relation masse-énergie, donc la fameuse équation E égale M fois C au carré, ouais. qui nous dit finalement que dans une toute petite quantité de matière se cache une énorme quantité d'énergie. Ça va mener éventuellement à l'énergie et la bombe atomique, ouais, dont on va reparler un peu plus tard. Et c'est ce qui fait de cette année une année miraculeuse, c'est qu'il pose avec ses 4 articles les bases de tout un nouveau pan scientifique. C'est assez révolutionnaire quand on regarde ça. Comment c'est reçu à l'époque, ces travaux, ces articles que publie Einstein? Ben, les gens trouve ces idées intéressantes. Ça se tient, si vous voulez. Sauf que les prédictions sont tellement extraordinaires et surtout impossibles à démontrer expérimentalement avec les moyens de l'époque que les gens considèrent que ce sont des idées intéressantes, mais tant qu'elles n'auront pas passé le test de la vérification expérimentale, on se garde une petite gêne, comme on dit. Plusieurs prédisent que ça ne se vérifiera pas, ce qui est absolument faux, parce qu'en fait, toutes les prédictions faites par Einstein dans ses différents articles et ses différents travaux vont toutes être validées expérimentalement avec une très, très grande précision au cours des années qui vont suivre, ce qui va bien sûr augmenter son aura auprès, ouais, des autres savants. C'est ça qui est extraordinaire pour lui, c'est qu'au fond, il pose les bases en 1905, mais c'est sur les années qui suivent que ses idées font du chemin, ben, et écoutez, que tout ça se confirme. Encore en 2016, avec la découverte des ondes gravitationnelles, on a confirmé une prédiction faite en 1916 par Albert Einstein, donc un siècle plus tard. Alors, ces théories, ce sont en fait des cadeaux qui continuent à nous gratifier de nouvelles découvertes. Ouais. L'une, évidemment, des principales théories associées au nom d'Einstein, c'est sa fameuse théorie de la relativité. Ce qui est fascinant dans cette théorie-là, c'est que on connaît tous son existence, à peu près personne d'entre nous, moi et ceux qui êtes à l'écoute, à peu près personne ne peut expliquer vraiment cette théorie-là, mais pourtant, on la connaît tous d'une façon ou d'une autre, cette théorie. Dites-moi, comment pourriez-vous expliquer en quelques phrases seulement le contenu de la relativité? Auparavant, on croyait qu'il existait un temps absolu et un espace absolu, et que si toutes les choses matérielles venaient à disparaître de l'univers, le temps et l'espace subsisteraient quand même. Avec la théorie de la relativité, au contraire, le temps et l'espace disparaissent avec les choses. Alors, Dr. Einstein, comment expliquez-vous l'enthousiasme des masses pour une théorie abstraite si difficile à comprendre? Je ne sais pas. C'est un problème pour les psychologues. Mais d'habitude, les gens n'attachent aucun intérêt aux questions scientifiques et les voilà qui se prennent d'un coup d'un fol enthousiasme pour la, la théorie de la relativité. Ma théorie n'a rien à voir avec l'expérience quotidienne. Elle ne se rapporte qu'aux phénomènes qui se passent quand des corps sont animés de grande vitesse, comparables à celle de la lumière, laquelle est de 300 000 km à la seconde. Extrait de l'émission Le roman de la science, présenté à notre antenne en 1958. C'est savoureux. C'est fascinant, cet extrait, parce que c'est vrai que ça nous montre un aspect important de ce qui est devenu Einstein dans notre imaginaire. Tout à fait. Puis l'un nourrit l'autre. Comme ça a l'air compliqué, ça doit être brillant. C'est un peu ça, l'idée. Je pense qu'on est fasciné par les travaux d'Einstein, d'une part parce qu'ils sont si difficiles à comprendre. Cette incompréhensibilité nous attire. Et puis je pense aussi qu'il faut reconnaître que la relativité générale, c'est une théorie de l'ensemble de l'univers. C'est la théorie de la cosmologie, c'est la théorie des trous noirs qui fascine les gens. Alors, je pense que tout ça mis ensemble, c'est un cocktail parfait. Là. Et il la développe sur cette théorie de la relativité générale sur plusieurs années, là, de quoi, entre 1907 et 1915. Voilà, exactement. En fait, Einstein était très mécontent de sa théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, parce qu'elle ne s'appliquait qu'à des mouvements à vitesse constante. Évidemment, dans un champ gravitationnel, si on a un moteur accroché après un véhicule, on accélère. Et donc, il fallait pour lui que sa théorie soit capable de parler de ces mouvements-là. Et c'est ça qui l'a mis sur la piste de la relativité générale, donc publiée entre 1907 et 1915. Et puis, une des prédictions phares de cette théorie-là, c'était que en passant près d'un champ gravitationnel très puissant, comme par exemple la proximité d'une étoile, les rayons de lumière qui normalement voyagent en ligne droite devraient être incurvés, un peu comme s'ils étaient faits de matière. À cette époque-là, on ne savait pas vraiment comment vérifier cette prédiction-là, qui était vraiment extraordinaire, jusqu'à ce que l'astronome anglais Eddington ait l'idée d'organiser des expéditions lors d'une éclipse de soleil pour photographier le soleil éclipsé. Lorsque le soleil est caché par la lune, le ciel devient noir et on peut voir des étoiles près du soleil. Et donc, le raisonnement, c'est qu'en prenant une photo du soleil éclipsé, on serait capable de voir la position des étoiles et de mesurer la déviation prédite par Einstein. Et il s'avère que lorsqu'on a analysé les plaques photographiques prises par Eddington et ses collaborateurs, on a trouvé exactement ce qu'Einstein avait prédit. Donc, la théorie de la relativité générale fonctionnait et ses prédictions étaient vérifiées par l'observation. Et là, ça a été le triomphe pour Einstein. Écoutez, le Times de Londres, du 7 novembre 1919, titre, je vous traduis en français, donc, « Révolution en science, nouvelle théorie de l'univers, les idées de Newton sont révolues. » N'oubliez pas qu'on est en Angleterre, Newton, c'est un personnage important. « Annonce stupéfiante, l'espace est courbé. » Et du jour au lendemain, Albert Einstein est devenu une vedette parce que cette idée farfelue que l'univers était courbé, que les masses pouvaient modifier l'univers et le passage du temps, était soudainement vérifiée par l'observation. Évidemment, c'était fatal, entre guillemets, mais grande notoriété. Il devient une star et en 1923, il reçoit le prix Nobel de physique. C'est la consécration pour lui à ce moment-là. Puis curieusement, vraiment, pas pour ses travaux sur la relativité, non, mais pour son article sur l'effet photoélectrique. Voilà. Ouais. Mais là, vraiment, c'est le début. Les années 20, vraiment, c'est une vedette, une immense vedette. Il fréquente la Jet Set et il est vraiment connu, très connu et très populaire. Extrêmement populaire. En fait, il va faire le tour du monde à plusieurs reprises durant cette décennie-là. Il va être reçu par les chefs d'État, les têtes couronnées. Il va rencontrer l'empereur du Japon. Le maire de New York va lui remettre les clés de la ville. Durant un séjour en Californie entre 1930 et 1931, il va se prendre d'amitié pour Charlie Chaplin, qui va l'inviter à la première de son film City Lights. Et lors de la première, c'est pas Charlie Chaplin qui va être la grande vedette, c'est Albert Einstein. C'est lui que tout le monde veut voir, c'est à lui que tout le monde veut parler. Bien sûr, pour le public, c'est une grande vedette, mais il le devient aussi pour la communauté savante parce que ses prédictions, ses observations, enfin, ses prédictions sont confirmées par les observations et donc ses théories deviennent des instruments extraordinaires pour explorer la nature fondamentale de l'univers dans lequel on vit. Est-ce que c'est aujourd'hui encore unique, Pierre Chastenet, qu'un scientifique ait une telle renommée populaire? Je pense qu'un autre exemple, ce serait Stephen Hawking, mais pour d'autres raisons. Oui. Parce qu'évidemment, Stephen Hawking, malgré qu'il ait été un physicien brillant, n'avait pas la même ampleur intellectuelle qu'Albert Einstein. Je pense que c'est plus sa condition physique qui a fait de lui une grande vedette. Mais du calibre d'Albert Einstein aujourd'hui, je ne vois personne qui pourrait prétendre avoir la même notoriété que lui. Oui. Einstein, évidemment, fait partie des noms. Il faut le situer dans son contexte. Il savoure cette gloire dans les années 20. Berlin, son pays, l'Allemagne, commence doucement à glisser vers le nazisme. Donc, il fait partie de ces très, très nombreux scientifiques, des artistes aussi, des artistes de renommée, qui vont quitter l'Allemagne avec la montée du nazisme dans les années 30. On écoute l'historien des sciences Jacques Merleau-Ponty parler de ce que ça va signifier pour Einstein, cette arrivée d'Hitler au pouvoir, qui va du même coup donc mettre fin à cette République de Weimar, extrait de l'émission Au fil du temps en 1993. 1918, c'est la révolution en Allemagne. Alors, il est enchanté. Et à ce moment-là, c'est le seul moment de sa vie où il commence à se sentir un peu allemand parce qu'il est partisan de la démocratie. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il devient un partisan convaincu et sincère de la République de Weimar et qui fait ce qu'il peut pour aider la réconciliation des peuples, pour aider le rapprochement entre les Alliés et l'Allemagne. En 1933, l'arrivée de pouvoir à Hitler l'amène à complètement changer de point de vue. Alors cette fois, il est complètement dégoûté de l'Allemagne et il se met à prêcher, lui qui était pacifiste, à prêcher la résistance par tous les moyens à Hitler. Il se brouille avec les pacifistes, plus ou moins, avec les objecteurs de conscience en particulier, qui ne comprennent pas son retournement, qui trouve qu'il retourne sa veste de façon scandaleuse, mais lui dit c'est plus possible d'être pacifiste maintenant. Et il aura, jusqu'à la fin de la guerre, une attitude tout à fait, disons, c'était assez étonnant pour lui, qu'il n'est pas un conformiste, mais il aura une attitude conformiste, rooseveltienne, si vous voulez, n'est-ce pas, c'est-à-dire hostilité à l'Allemagne et au Japon, amitié avec l'Union soviétique, enfin, tout pour la coalition, tout pour abattre Hitler. Ah, cette montée du nazisme, on le voit bien en écoutant cet extrait. C'est pour lui un moment terrible. Quel impact ça va avoir dans sa vie? De quelle façon ça va changer le cours de sa vie? Bien, c'est une grande catastrophe parce qu'à partir de 1933, des nouvelles lois passées par les nazis interdisent aux Juifs d'occuper des postes officiels. Donc, il ne peut plus enseigner à l'Université de Berlin. Son chalet est pillé, son voilier personnel est confisqué, ses livres sont brûlés sur la place publique. On a fait de lui un ennemi de la nation allemande. Et donc, là, il comprend qu'il ne pourra pas retourner en Allemagne et il demande l'asile aux États-Unis. Donc, Il s'installe aux États-Unis comme réfugié. Il va être naturalisé en 1940. Puis c'est intéressant de noter que Einstein, durant cette période d'avant-guerre, va utiliser tous ses contacts diplomatiques avec les cercles de pouvoir, avec les autres savants, pour essayer de faire sortir le plus possible de savants juifs de l'Allemagne nazie. Ce qui va faire dire à Winston Churchill, après la guerre, qu'en faisant ça, Einstein a contribué à augmenter beaucoup la capacité technique et scientifique des Alliés et a, au contraire, diminué de beaucoup celle des Allemands. Alors, puis il y en a plusieurs autres savants qui ont contribué donc à sauver, si vous voulez, des juifs, des savants juifs allemands des nazis, si vous voulez. Les scientifiques, les artistes aussi, je le disais, mais les États-Unis, Hollywood, va profiter de ça aussi énormément. Évidemment, on ne peut pas faire une émission sur Einstein. C'est intéressant parce que l'extrait qu'on vient d'entendre disait que la montée d'Hitler l'a fait... a modifié. En tout cas, j'allais dire, l'a fait passer du camp pacifiste au camp plus guéri à ce moment-là. Ou peut-être relativiser sa position. Exact. Et ça nous amène évidemment à parler du rôle qu'il va jouer dans le développement de la bombe atomique. Il est au fond, en quelque sorte, à l'origine du développement de cette arme par les États-Unis. On écoute à ce propos son ami Otto Nathan au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission Carrefour en 1962. Professeur Nathan, vous êtes l'exécuteur testamentaire d'Einstein. Est-ce qu'Einstein, qui était un pacifiste, je crois, n'a pas eu mauvaise conscience avant de mourir quand il a vu l'usage que l'on a fait de certaines de ses découvertes, et je pense à la bombe atomique. Il n'avait pas mauvaise conscience. Il n'était pas à l'aise. Mais ce qu'il avait fait, il a fait en bonne conscience. En 1939, le 2 août 1939, il a envoyé une lettre au président Roosevelt. Il a dit dans cette lettre qu'on l'a informé que les Allemands se sont engagés dans la recherche vers la production d'une bombe atomique. Einstein disait qu'il a raison à croire qu'il pourrait réussir. C'est pourquoi qu'il crut que les États-Unis elles-mêmes devraient aussi s'engager dans des recherches pareilles. Et cette lettre a eu une influence extraordinaire sur Roosevelt. Assez complexe, Pierre Chastenet, ce lien entre Einstein et le développement par les Américains de la bombe atomique. Ça pose deux grandes questions. Quel rôle a eu vraiment Einstein dans le développement de la bombe, primo? Puis secondo, on parlera peut-être aussi de comment il a Comment il l'a vécu. Ben oui. Oui, tout à fait. Ben, le rôle d'Einstein, ça a été, dans le fond, d'ajouter son poids et sa notoriété à cette volonté que plusieurs savants américains, en particulier des savants émigrés de l'Europe en guerre, qui faisaient pression donc sur le gouvernement américain en disant, écoutez, les nazis sont en train de construire une bombe atomique. Ils font de la recherche sur l'atome dans le but de construire une arme qui va être extrêmement dévastatrice. Il faut qu'on se prépare et il faut qu'on les batte au fil d'arrivée, si vous voulez. Mais ils étaient plus ou moins écoutés parce que c'était pas des savants très connus. Puis on se méfiait un peu d'eux parce qu'ils arrivaient de l'Europe de l'Est et on se demandait s'ils n'étaient pas un peu sympathisants ou même des espions. Et c'est quand Einstein a écrit à Roosevelt que vraiment là, les dominos se sont mis à tomber et que les Américains ont réalisé la menace qui pesait sur eux et puis l'occasion qui se présentait aussi de faire des recherches pour peut-être battre les Allemands sur ce plan-là. Avec tout ce que ça voulait dire d'investissement public. Ça a coûté une fortune. Le projet Manhattan entre 1942 et 1945, c'est des milliards de dollars de l'époque, donc c'était absolument colossal. Et ça a mené éventuellement aux premières explosions atomiques dans le désert du Nouveau-Mexique et aux bombes de Hiroshima et Nagasaki qui ont mis fin à la guerre dans le Pacifique. Et je pense que Albert Einstein a eu raison parce que c'est vrai, on le sait maintenant parce que des historiens se sont penchés sur la question. Les nazis étaient quand même bien avancés dans leur recherche atomique et personne ne doute qu'Hitler aurait hésité à utiliser la bombe contre, par exemple, Londres ou certaines villes anglaises, ou peut-être même de menacer les États-Unis avec cette arme-là. Donc, c'était la chose à faire. Je pense que ce qui a choqué Einstein et la plupart des savants, puis je vous dirais la plupart des humains de cette époque-là, c'est qu'on utilise la bombe contre des civils sur Hiroshima et Nagasaki, alors qu'on aurait sans doute atteint le même objectif en invitant les Japonais à observer une explosion sur une île inhabitée du Pacifique pour leur montrer la puissance de ce qui leur pendait au bout du nez. Et ça, je pense qu'Einstein, malgré ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, l'a toujours gardé un petit peu sur le cœur, avec un certain remords. Oui. Au final, que nous laisse ce géant qu'a été Einstein sur le plan de l'héritage? Entre l'homme, parce que ça a été, on a parlé de l'homme de science, on a un peu parlé de l'homme de paix, moins qu'on aurait peut-être dû, mais son héritage, il est où essentiellement? Bien, sur le plan scientifique, on l'a dit et on l'a répété, les deux grandes théories de la physique moderne, elles sont nées avec Albert Einstein. Toute sa carrière après la publication de la relativité générale, Einstein a tenté de réconcilier ces deux grandes théories-là, la mécanique quantique et la relativité générale. Il n'y est pas parvenu, mais c'est pas de sa faute parce que c'est extrêmement complexe. Et encore aujourd'hui, ce sont deux théories qui sont un petit peu irréconciliables. Vous savez peut-être que le système de positionnement GPS fonctionne grâce à des corrections relativistes. En fait, si on ne faisait pas des corrections pour la relativité restreinte et la relativité générale, votre système GPS dériverait de plusieurs kilomètres par jour. Donc, dans notre poche, on a une partie des travaux d'Einstein. Sur le plan social et politique, Einstein s'est toujours dit en faveur d'un gouvernement mondial. C'était un pacifiste malgré cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Il était aussi beaucoup impliqué avec le National Association for the Advancement of Colored People aux États-Unis. Il trouvait que le racisme était la pire maladie de l'Amérique. Alors, tout ça pour dire que c'est un homme complexe, un homme qui avait des vues sur la religion, qui aimait la musique, qui a toujours joué du violon, même en concert avec des orchestres de chambre professionnels, et qui nous laisse un héritage scientifique inestimable et qui va perdurer pendant des siècles. Pierre Chastonnet, c'était un sacré défi, mais bien relevé de résumer Einstein en 23 minutes. Professeur de didactique à l'Université du Québec à Montréal, communicateur scientifique, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.